OK, c'est parti. 1 Corinthiens, chapitre 5. On va voir ce matin une expression de la Bible qui n'est pas facile à interpréter. Et l'apôtre Paul va dire à l'Église ce matin qu'il aurait dû livrer quelqu'un à Satan. Livrer à Satan. Pas facile à comprendre et un peu énervant à faire. Qui est-ce qu'on est, nous? Pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça? À deux reprises, Paul va dire ça. Dans l'Épître de Timothée, il va dire une place, « J'ai livré, là il nomme deux personnes, je les ai livrés à Satan. » Puis ici, il va dire à l'Église de Corinthe, « Vous auriez dû livrer cet homme à Satan. » Et vous ne l'avez pas fait. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Et qu'est-ce que cela a à faire avec nous aujourd'hui? Est-ce que ça nous regarde? Est-ce que ça ne nous regarde pas? C'est ce que nous allons voir ensemble pour c'est de voir ce que Dieu nous dit de faire en tant qu'Église. Les problèmes chez les Corinthiens, il y en avait plusieurs. Et un des problèmes qu'ils avaient, c'était la sexualité. On va voir ça à différentes reprises, dans différents chapitres. Il y avait des problèmes de sexualité à l'intérieur de l'Église. Ils vont en parler au chapitre 5, au chapitre 6, au chapitre 7. Ils vont en parler un peu plus loin. Ils vont en parler à quelques reprises. La sexualité de l'être humain, ici je dirais homme et femme, a été pervertie dès le paradis. La Bible nous dit que l'homme et la femme étaient nus. Il n'y en avait point honte. Mais après qu'il y a eu mangé de l'arbre, la Bible nous dit qu'ils avaient honte de leur nudité. Qu'est-ce qui avait bien changé? Tout simplement, le péché était entré en eux. Ils étaient maintenant morts spirituellement. Ils étaient séparés de Dieu spirituellement. Des fois, on a de la misère à comprendre et à saisir qu'est-ce que le péché a fait dans la tête des êtres humains, dans le cœur, dans la pensée, dans l'esprit, peu importe comment vous le nommez ici. Ça l'a tout dérinché l'intérieur du moteur, le péché. Il n'y a plus rien que l'homme fait, que l'être humain fait, qui est correct. C'est toujours biaisé au travers, à quelque part. La sexualité, elle est pareille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit dans notre société une effervescence du péché. On pense qu'on voit, mais je crois que quand on regarde dans la Bible, il y en avait autant. Ça n'a pas changé. Moi, je dis tout le temps, voilà 5000 ans, l'homme trompait sa femme dans une tente. Aujourd'hui, c'est dans une chambre d'hôtel. Ça ne change rien. C'est toujours le même péché. La sexualité, elle a été pervertie. Pervertie, ça veut dire qu'on n'utilise plus comme Dieu voudrait qu'on l'utilise. On est dérinché. On dit ça en québécois, là, c'est un mot qui est pas mal spécial. Dérinché, ça c'est peu québécois. Mon garçon, il applaudirait, il dirait, ça c'est correct, papa, tu parles québécois. Dérinché. La sexualité, dans ma vie personnelle, était dérinchée aussi, était mélangée, était perturbée en tant qu'inconverti. J'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire. J'ai pensé à des choses que je n'aurais pas dû penser. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Et quand je suis devenu chrétien, ça n'est pas devenu parfait le lendemain matin. Donc, les chrétiens ont aussi des problèmes avec la sexualité. Ça fait 30 ans que je suis dans le ministère et je n'ai entendu de toutes les couleurs, des vertes et des pas vertes. Des fois, les pasteurs, on est un petit peu le confessionnal, hein, un petit peu. Et je n'ai entendu toutes les couleurs Et probablement, vous avez suivi les nouvelles, et vous avez vu des hommes, des femmes de Dieu qui étaient dans les tops, hein, dans les tops, parmi les croyants, je parle, là, les chrétiens comme nous, là, dans les tops, que nous, on passait dans les tops, en tout cas. Et ils sont plantés, tête la première, dans le péché, dans l'immoralité. J'ai vu des églises se diviser, se chicaner sur la sexualité. J'ai vu un diacre partir avec la femme de l'autre diacre. Ça, c'est dans l'église chrétienne. Ça. C'est pas parmi les putains de la rue, là. Dans l'église chrétienne, l'église a des problèmes avec la sexualité. Combien d'hommes et de femmes, je viens de voir, et qui m'ont parlé de leurs problèmes avec la pornographie, avec toutes sortes de choses. Si vous pensez que vous n'avez pas, vous n'avez pas encore compris. Tout le monde en a, des problèmes. Un jour, une femme vient me voir et elle dit, « Mon mari a des problèmes de sexualité. » J'ai dit, « Toi, en as-tu? » Elle dit, « Non, je n'ai pas. » C'est ça le problème. Tu penses que tu n'en as pas? Mais j'ai dit, « Tu n'en as aussi. » Pas les mêmes que lui, probablement. Mais elle dit, « Tout le monde en a. » Personne n'est parfait dans aucun domaine de notre vie. On est parfait dans rien. Accepté en Jésus. La Bible nous dit que nous sommes parfaits en Jésus. Merci Seigneur qu'on est parfaits en Jésus. Mais dans nos actes de tous les jours, nous sommes imparfaits dans tous les domaines de nos vies. Il n'y a personne qui en est à 100%. Il n'y a personne qui dit la vérité à 100%. Il n'y a personne qui, sexuellement, tout fonctionne bien à 100%. Ça n'existe pas chez la race humaine. Donc on est perturbé dans toutes sortes de façons, de toutes sortes de manières. Un jour, je rencontre un homosexuel, puis c'est lui qui m'avait demandé de le rencontrer. Il voulait parler de son homosexualité. Il voulait savoir qu'est-ce que Dieu en pensait. Et on a commencé à jaser, et je lui ai dit, avant que qu'on parle de ce péché-là que tu as dans ta vie, je voulais te dire aussi que moi aussi, j'ai des problèmes avec la sexualité. Que tous les croyants en ont aussi. Mais il faut y faire face selon ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et non pas le cacher ou le camoufler. Ou dire qu'il n'y en a pas, qu'il y en a. Mais tu en as un problème avec la sexualité. Pas même que moi, mais tu en as aussi. Mais qu'est-ce que Dieu dit maintenant à faire avec ça? C'est ça qui est important. Ce n'est pas de le cacher. Parce qu'un jour ou l'autre, ça ressort. Ça ressort. Ils disent que dans les 10 premières années de la vie d'un couple, c'est la sexualité qui est la cause des divorces. Même chez les chrétiens. C'est la sexualité qui est la cause des divorces. Même chez les chrétiens. En grande majorité. Je dirais pas 100%, bien entendu. Et donc l'Église de Corinthe n'est pas spéciale, n'est pas unique dans son problème avec la sexualité. Et l'apôtre Paul ici, je ne crois pas que l'apôtre Paul est surpris de voir que l'Église a des problèmes. Mais l'apôtre Paul est surpris qu'ils n'ont rien fait avec ça. Il est surpris qu'ils n'ont pas réagi comme il faut. Et non pas qu'il y avait des problèmes, parce que des problèmes, Paul savait qu'il y en avait. Pas besoin d'être pasteur longtemps pour savoir qu'il y en a. Il y en a partout. Je n'ai même pas besoin d'aller voir les chrétiens pour savoir. J'ai qu'à me regarder dans le miroir, je sais qu'il y en a. De laisser croire à la société que l'Église n'a pas de problème, c'est de la grosse foutaise. L'Église a des problèmes. Et en aura toujours. Mais comment y faire face? Ça, c'est différent que les inconvertis vont prendre. Notre façon de dealer en québécois, encore une fois, comment est-ce qu'on regarde ce péché-là? Je parlais avec un homme au téléphone cette semaine, puis lui-même a approché le problème de la sexualité. Un non-croyant. Et j'ai dit, ça te va l'heure, tu sors pas le dimanche. Et il me disait que l'Église que lui va dedans ne réagissait pas bien face à la sexualité ou au problème de sexualité dans la vie, dans la société. Mais j'ai dit, l'Église, mais toi, j'ai dit, toi, est-ce que tu y fais face comme il faut? Est-ce que toi, tu n'as pas des problèmes de sexualité? Et là, tout d'un coup, il veut changer de conversation. C'est facile de parler des autres qui ont des problèmes. Hein? Ça, c'est donc facile. L'Église a des problèmes avec ça, puis les curés ont des problèmes avec ça, puis les pasteurs ont des problèmes avec ça. Les gens... Mais moi, ben non, moi, je suis correct, je n'ai pas de problème avec ça. L'apôtre Paul semble dire autre chose que ça. Et dans l'Épître aux Corinthiens, les problèmes sexuels sont tellement forts que Paul va leur dire, vous faites des choses que même les inconvertis ne font pas dans ce domaine-là de votre vie. C'est assez fort, hein? C'est assez fort. On va lire ça un petit bout, si vous voulez bien. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et le mot débauche, là, c'est l'immoralité sexuelle. C'est le mot pornéa. Pornéa, qui vient notre mot. Porno. Pornographie, c'est le mot dans le grec, pornéa. Une débauche telle que ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit êtes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Voyez-vous ce qu'il est en train de dire? Il dit, si je vous demandais de vous retirer des débauchés, de ne plus avoir de relation avec les débauchés et les cupides de ce monde, vous seriez obligé de sortir du monde. Parce que dans ce monde-là, c'est juste ça qu'il y a. C'est juste ça qu'il y a dans ce monde-là. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Passage qui n'est pas facile d'interpréter. Je dirais que les croyants, en général, ont deux façons d'interpréter le texte. Mais les deux, pour moi, ne changent pas grand-chose. Parce que tout le monde s'astine à peu près sur l'interprétation livrée à Satan. Qui peut faire ça? Mais je crois que le passage est clair, même si on ne comprend pas toute l'implication. Paul est en train de dire, « Ôtez du milieu de vous le méchant. » C'est ce qu'il dit. « Ôtez du milieu de vous le méchant. » Et dans le méchant ici, il part avec la question de l'inceste. Hein? Ben, c'est un inceste entre guillemets, parce qu'il couchait avec la mère de son père, la femme de son père. C'était peut-être pas sa mère. OK? Bon. Si c'était pas sa mère, ben c'était d'adultère. Pourquoi est-ce que Paul réagit si fort? Pourquoi est-ce que Paul dit une parole qui semble si dure quand il dit de le livrer à Satan? À quelques reprises, je vous ai dit l'autre fois, Paul, on a vu la semaine passée, quand il dit « il va être sauvé à travers le feu ». Ici, il dit « livré à Satan ». Un peu plus loin, il va dire, afin que vous ne soyez pas jugés avec le monde et condamnés avec le monde. C'est des paroles qui sont des fois pas tout à fait évidentes à traduire. Puis là, on a de la misère à appliquer ça à des croyants et dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. On est habitué d'employer ces termes-là pour les inconvertis. Quand on parle dans l'Église, c'est plus touché, c'est plus difficile. Mais ce que Paul est en train de dire, et ce que tout le monde est d'accord dans l'interprétation du texte, c'est que Paul demande à ces gens de ôter cet homme du milieu d'eux. Il dit, moi avec vous, avec l'Esprit de Dieu, avec la puissance de Dieu, on va ôter cet homme-là de là. Pourquoi est-ce que l'Église devrait ôter le méchant du milieu de lui? Et qu'est-ce qu'il veut dire par le méchant? Là, on a vu, il a nommé. Hein? Il a nommé une gang. Qu'est-ce qu'il a nommé? T'en souviens-nous par cœur? L'adultère, les idolâtres, les cupides, ça veut dire que ceux qui aiment l'argent, les matérialistes, hein? Les cupides, les ivrognes, les débauchés, en tout cas, il y en a nommé une gang. Puis, peut-être que vous voyez quelque part là-dedans. Hein? Peut-être que vous voyez quelque part là-dedans. Là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? On va tout sortir tout le monde le matin, puis on ne vient plus, c'est fini, on ferme les portes. Qu'est-ce qu'il veut dire? Une fois, j'ai pratiqué cette chose-là dans une église où je travaillais. Et quand on l'a eu fait, on a ôté du milieu de nous deux méchants, si on peut appeler ça comme ça. Et il y a deux familles qui ont quitté l'église en disant, vous n'aimez pas les gens, donc on s'en va. Ils n'acceptaient pas le fait que l'église pouvait enlever de son sein certaines personnes. Je dis, comment tu interprètes le passage de Corinthiens 5, de Matthieu 18, qui parle de même sujet? Ah, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça ne veut pas dire ça. Facile à interpréter, facile à dire. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le terme n'est pas compliqué. Ôter, ça veut dire quoi? Ôter, enlever. Il y a 10 pommes, j'en prends une, je mets en dehors. Je ôte une pomme du panier. Si je dis j'enlève une enveloppe, si j'enlève une enveloppe, je ôte une enveloppe du panier. C'est ça que ça veut. Ça ne veut pas dire plus que ça, puis pas moins que ça. Il faut l'accepter comme cela. C'est ce que Dieu est en train de dire. Ôte de ton sein, du milieu de l'Église, du peuple de Dieu, ceux qui sont, qu'on appelle ici dans le texte, le méchant. On va voir ensemble de qui il parle ici. Ce texte rejoint l'enseignement de Jésus dans Matthieu 18, qu'on ne va pas regarder. Mais si vous voulez compléter votre instruction, vous pouvez aller lire Matthieu 18 chez vous, essayer de comprendre. Parce que Matthieu 18 parle de la même chose, d'enlever du milieu du peuple de Dieu. Parce que chez les Juifs, il y avait une coutume. Quelqu'un qui n'obéissait pas à la loi de Dieu, on l'emmenait devant les juges, on pourrait dire, le Sanhédrin dans ce temps-là, ou ben non, les anciens, ou peu importe comment ça s'appelait dans différents moments donnés de leur histoire. Et avec deux ou trois témoins, on pouvait faire cela. On pouvait même les mettre à mort sur la déposition de deux ou trois témoins. Mais jamais seul, hein, jamais seul. Mais on pouvait les mettre en dehors du peuple. Un peu comme l'exemple qu'on a vu ce matin avec Myriam. En dehors du peuple. En dehors du peuple. Dans l'état que tu es, tu dois être en dehors du peuple. Et il y a des dizaines et des dizaines de passages dans cette semaine où ce que Dieu parle de cela. Ce que Dieu enseigne ça à son peuple. Ah, je ne dis pas qu'ils l'ont toujours fait, bien entendu. Premièrement, on va voir pourquoi il demande ça, pourquoi il demande d'ôter. Versets 3 à 5, parce que là, versets 1 et 2, c'est qu'il parle de la situation. Dans ce cas-là ici, il parle de l'homme qui couchait avec la femme de son père. Hein? Il dit, « Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. » Parce que pour moi, livré à Satan, ou ôter du milieu de l'Église, du sein de l'Église ou du peuple de Dieu, ça veut dire la même chose. Livrer à Satan, dans ma compréhension, c'est ceci. Ici, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes sous la protection de Dieu. En dehors de l'Église, c'est le monde du diable, le monde des ténèbres. C'est le monde où est-ce que le mal règne, où est-ce que Satan est le prince de ce monde. Quand on prend quelqu'un et qu'on l'enlève et qu'on dit « va-t'en dehors du peuple de Dieu », on le livre à Satan, on le met dans le camp de Satan. Il n'est plus dans le camp de Dieu. Il est sorti. Il est sorti. Il est en dehors. Donc, ôter, la plus grande protection pour un croyant, c'est d'être dans l'Église. C'est avec l'Église. Parce que Dieu est son protecteur. Dieu est là. Mais quand Dieu dit « enlève-le », parce que vous avez très bien ici, l'apôtre Paul dit « vous, moi et le Seigneur ». Il embarque le Seigneur avec lui dans le bateau. C'est la même chose que le passage de Matthieu 18, quand on dit, si deux et toi sont réunis en mon nom, oubliez, c'est jamais une réunion de prière qu'on parle de ça. Ça n'a rien à voir avec la prière, ce texte-là. Dans Matthieu 18, c'est la question de ôter du milieu du peuple quelqu'un. Il dit, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, à cause de moi, pour moi, je suis avec eux. Je suis avec eux. Deux ou trois, mon nom, c'est un contexte de ce qu'on appelle communément la discipline dans l'Église. Ça n'a rien à voir avec une réunion du dimanche matin. Ça n'a rien à voir avec l'Église qui se réunit pour prier. J'ai entendu ça des centaines de fois. Lorsque deux ou trois, on est ensemble, Dieu est avec nous. Même quand je suis tout seul, Dieu est avec moi. Là. Mais Dieu dit, tu ne vas jamais chasser de l'Église quelqu'un tout seul. Il faut toujours que vous soyez au moins deux ou trois, que ça réussisse à mon nom. On va voir ça tout à l'heure. Hein. Paul a une bonne attitude. C'est premièrement, Paul a une bonne attitude. Paul veut tout simplement enlever cet homme-là du milieu du peuple. Et le but, ce n'est pas de dire « je suis meilleur que toi ». Non, il dit « afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur ». Donc, son but est bon. Son but est correct. Il veut sauver la personne. Paul est convaincu que c'est ça que Dieu veut qu'il fasse. Et quand on le fait en tant qu'Église, il faut être convaincu que c'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Parce qu'on ne peut pas enlever avec un peu de légèreté ou sans y penser quelqu'un du peuple de Dieu. Ou le livrer à Satan ou le mettre en dehors de l'Église avec légèreté parce qu'on le met dans une situation très difficile, la personne. J'ai vu bien des pasteurs chasser quelqu'un de l'Église. Ils l'ont fait toute seule, sans parler à l'Église, sans parler aux frères et sœurs. Et savez-vous qu'est-ce qui est arrivé avec le temps? L'Église demande au pasteur de partir après un certain temps. Parce qu'ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas été mis au courant. Et ils regardaient le pasteur comme étant, « Voyons, donc, pour qui tu te prends, toi, de faire des affaires de même, puis qui t'es fait des affaires de même, puis tu n'as pas le droit de faire des affaires de même. » Les chrétiens n'aimaient pas ça. Ils n'avaient pas été comme impliqués dans le processus. Et là, que tu t'appelles pasteur, diacre, ou ancien, ou évangéliste, ou qui que ce soit, tu ne peux pas faire ça toute seule. Et même Paul n'aurait pas fait toute seule. Il invite l'Église, il dit, tous ensemble, vous auriez dû faire de quoi? Et là, maintenant que moi, je le sais, je vais embarquer avec vous, je vais prier avec vous pour que vous le fassiez. Donc, mettre en dehors de l'Église, le livrer à Satan, afin que l'Esprit soit sauvé. De quoi est-ce qu'il parle quand il dit, en fait, la chair soit détruite? Ça, on n'a pas trop de misère avec ça. On semble vouloir dire que la chair soit détruite, ça veut dire la maladie, la mort viennent. C'est pour ça que Paul va dire dans 1 Corinthiens 11, un peu plus loin, « Il y en a parmi vous qui sont malades, infirmes et même morts. » Même morts. Tu dis ça, tu te demandes de quoi il parle là? De quoi il parle là? Mais ici, il parle de quelque chose qui... Il dit... Livre-le pour la destruction de la chair. Pour qu'il y ait une difficulté, là, une souffrance. et que cette souffrance puisse, ça peut être une souffrance psychologique, ça peut être une souffrance émotionnelle, parce que ça fait toute partie du corps, ça fait toute partie de la chair. Et le but de cette souffrance, c'est qu'elle soit sauvée. C'est qu'elle soit sauvée. C'est un peu de la même façon que vous et moi, c'est pour ça des fois qu'on punit nos enfants. C'est pour ça que des fois, vous avez donné des tapes sur les fesses à vos enfants. C'est pour ça que des fois, vous avez dit, va-t'en dehors de la chambre. Ou va-t'en dans ta chambre, excusez, pas dehors, mais dans ta chambre. Et c'est pour ça que peut-être que des fois, vous avez dit, tu pars de la maison. J'ai dit une fois à mon gars qui avait 16 ans, il dit, père, je suis assez grand pour faire ce que je veux. J'ai dit, je suis content. Il dit, je t'ai élevé pour ça, pour que tu deviennes indépendant et libre et que tu fasses un homme de toi. Il dit, fais ta valise, puis va-t'en. Tu sais ce que c'est toi? Ben, j'ai dit, si tu veux faire ce que tu veux, tu t'en vas. Parce qu'ici, dans la maison, tu peux pas faire ce que tu veux. Il faut que tu vives avec la famille. Tu peux pas faire ce que tu veux dans la maison ici. Il doit donner une famille. Tu vis avec la famille ou tu t'en vas? Tu vis selon les règles et les lois de la famille ou tu t'en vas? Moi, je pense que je vais attendre encore un peu. Il n'a pas fait sa valise, il est resté à la maison avec nous autres pour autre quelques années de plus. Mais dans l'église, c'est pareil, là. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pas parce que je n'aimais pas mon gars. Ben non! C'est parce que je l'aimais que j'ai fait ça. Je voulais qu'il réalise que ça ne marchait pas comme ça. On ne pouvait pas vivre de même. Surtout pas en tant que croyant, parce que lui, il était croyant. De quel salut il parle ici? Afin que l'esprit soit sauvé. De quoi il parle? Au jour du Seigneur. Au jour du Seigneur. Donc, afin que quand le Seigneur va revenir, que cet esprit-là soit sauvé. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il n'est pas sauvé. On ne peut pas sauver quelqu'un qui l'est déjà. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? S'attends-tu à ce que les chrétiens fassent rien de mal? Non. Pourquoi? C'est quoi le foutu problème ici? Là? C'est pas que tu es couché avec ta belle-mère. Là. C'est qu'il est orgueilleux de ça! L'Église est orgueilleuse de ça! Il dit, vous êtes orgueilleux! Au lieu d'être humilié, d'être dans la tristesse face à votre péché, vous vous en vantez. Vous vous en vantez. C'est ça qu'il m'a pas. Une fois, j'ai mis mon garçon en discipline, en dehors de l'église, en dehors de mon foyer. Le même qui voulait partir quand il avait 16 ans. 2 ans plus tard, c'est à côté avec une femme qui était mariée. Il est à l'église avec nous autres dans ce temps-là. Et on s'est rencontrés avec eux autres. On s'était 2-3 anciens ensemble. Et deux églises, parce que la femme venait d'une autre église. Et pendant 6 mois, on a parlé avec eux autres. On les a instruits, on a prié avec eux autres. Pendant 6 mois, on dit, il faut que vous preniez une décision. Mais on dit, on va vous dire une chose bien certaine. Les gens dans l'église ne sont pas meilleurs que vous. Mais ils sont tristes de leur péché. Et vous, vous ne l'êtes pas. C'est pour ça que vous vous demandez de partir. Et vous, la différence? Hein? C'est pas que les chrétiens ne font pas de péché. Voyons, non. Mais ils ont la bonne attitude face à leur péché. Ils l'appellent d'abord péché, parce que c'est péché. Et ils sont attristés par le péché. Je dis souvent ça aux inconvertis. Les chrétiens, ce ne sont pas des gens qui ne font pas de péché, mais c'est des gens qui sont attristés par leur péché. Mais il dit, si cet homme-là est orgueilleux et qu'il ne veut pas se repentir et qu'il veut marcher, il veut rester, qu'il veut continuer à coucher avec la belle-mère, mettez-le en dehors de l'église. Parce que son attitude est très mauvaise face au péché. Il se vante de son péché. Et ça, ce n'est pas l'attitude d'un croyant. Mettez-le en dehors de l'église. Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Mon garçon, un an après, c'était toute une expérience chez nous pendant un an. Pas vu mon gars pendant un an. Un an après, il est venu me voir avec sa femme. Il s'était marié entre-temps. Reconnaître qu'il avait péché et que c'était pas correct. Demander pardon au Seigneur, à nous. Confesser à l'Église qu'on avait fait un bon choix, qu'on avait fait ce qu'il avait dû être fait. Et qu'il avait compris, qu'il savait que c'était quoi. aujourd'hui fonctionne, lui et sa femme dans le Seigneur. Ils sont impliqués dans leur église, ils fonctionnent dans la planche. Mais il faut bien le faire. Il faut bien le faire. Il faut faire attention. Il faut bien le faire. Il ne faut pas le faire avec orgueil, nous autres aussi, puis dire que nous, on est meilleurs que toi, puis tu vas sortir de mon espèce de malfrat. Non. Et je me souviens que cette femme, qui est aujourd'hui ma bru, elle dit, si tu ne nous avais pas aimés, on n'aurait jamais revenu. Mais on savait que tu nous aimais. C'est pour ça que tu l'as fait. On a pleuré avec eux autres. Bien des fois, avant qu'ils partent de l'église, on a pleuré des fois après qu'ils soient revenus dans l'église. On était contents d'avoir fait. C'était la bonne chose à faire. C'est la bonne chose à faire. Il dit, afin que l'esprit soit sauvé. Si c'est un croyant, il va avoir une bonne attitude face au péché. Et dans Matthieu 18, il parle d'un croyant qui est parti et qui va revenir. À une autre place, il dit, ne traiterai pas comme un ennemi, mais comme un frère. Mais ici, Paul, à cause de l'attitude qu'ils ont, que la personne a, il dit, afin que l'esprit soit sauvé. Mais attention, ce n'est pas à vous de juger s'il l'est ou s'il ne l'est pas. Sauvé. Notre rôle à nous, c'est juste de l'ôter du milieu de nous, avec amour, avec respect, dans le but que Dieu règle ça, que sa vie se règle, ou qu'il soit sauvé, peu importe, c'est pas à nous à juger. Nous, on dit, tu sors. Tant que tu vas avoir cette attitude-là face au péché, il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu t'en ailles. Il continue à dire, au verset 6 à 8, « Afin que la Pâque soit nouvelle. » Il dit, « Afin que la Pâque soit nouvelle. » Là, il compare ici l'Église à la Pâque. Il compare Jésus, le levain. Vous savez que dans l'Ancien Testament, on devait fêter la Pâque avec des pains sans levain. Et dans la Bible, le levain, c'est un exemple du péché. Il dit, « Vu que vous êtes une Pâque déjà sans levain à cause du Christ. » Parce que Christ est votre Pâque, Christ a été immolé pour vous, et que vous êtes vous, par, maintenant que vous êtes dans le peuple de Dieu, maintenant que vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes une Pâque sans levain. Mais il dit, enlevez le levain. Vivez ce que vous êtes des pains sans levain. Donc, laissez pas le levain prendre le dessus sur vous. Puis il dit, un peu de levain fait lever toute la Pâque. Il dit, si vous laissez cet homme-là au milieu de vous, vous remarquez que lui est orgueilleux de coucher avec sa belle-mère, puis il y avait une gang qui avait tombé dans le panneau avec lui. Il dit, vous êtes orgueilleux maintenant. Il avait entraîné l'Église dans son affaire. Il dit, enlevez-le, afin que la pâte soit sans levain. Le jour où j'ai fait du pain, et j'ai oublié de mettre ma levure dedans. Ça n'a pas levé ben tout. C'était bien plate. Sans levain. Il dit, vivez comme des gens qui sont déjà sans levain. Vivez comme des gens qui sont déjà sans levain. Enlevez le levain du milieu de vous. Vivez comme une Pâque nouvelle. Enlevez-le. Parce que si vous ne l'enlevez pas, ça va complètement faire lever toute la Pâque. Et l'Église va finalement... Vous remarquerez, si vous regardez des églises qui étaient évangéliques, il y a 150 ans, aujourd'hui, ils ne sont plus évangéliques. C'est ce qu'ils n'ont pas fait. En grande partie. Ils n'ont pas enlevé du milieu d'eux des gens qui vivaient dans le péché et qui n'en avaient pas de tristesse. Ils ont enlevé des gens, ils n'ont pas enlevé des gens qui enseignaient des fausses doctrines. Ils ont laissé dans leur sein, par amour, qu'ils disaient, 100 ans plus tard, l'Église est morte. Il n'y a plus rien là qui fonctionne pour le Seigneur. Toute la pâte enlevée. Toute la pâte enlevée. Parce qu'on n'a pas voulu faire ce que Jésus avait dit. Une fois, on avait fait de la discipline dans une église, il y a quelqu'un qui m'appelle, « François! » Il dit, « L'amour est plus important que la doctrine! » Il n'aurait pas dû dire ça à François. J'ai dit, « Cher monsieur, il n'y a pas d'amour sans doctrine. Il n'y a pas d'amour sans doctrine. Si vous enlevez la vérité, qu'est-ce qui nous reste? Un amour humain, tout simplement. » Un amour charnel, simplement. C'est la vérité qui donne l'amour. C'est sans amour, on n'a rien. Sans vérité, on n'a rien. Troisièmement, en finissant, afin que le monde ne soit pas au milieu de vous. Verset 9 à 13, l'apôtre Paul, il dit, enlevez. Paul, il dit qu'il avait écrit une première lettre. Verset 9, on ne l'a pas, celle-là. Je ne sais pas pourquoi. Il l'a écrit une, on ne l'a pas. Il va en écrire une autre après celle-là. Ça va être la deuxième épître, mais on ne l'a pas la première. Dieu a jugé bon qu'on n'a pas besoin de celle-là. Il dit, Paul recommande de couper relation avec les débauchés du dehors. Ne demande pas de couper les relations. Paul il dit, ne coupez pas les relations avec les gens du dehors. C'est pas ça que je vous ai dit. Sans ça, vous allez être obligé de partir des monastères et des couvents. Vous êtes obligé de partir des choses pour vous retirer du monde, pour vous cacher de tout ce monde-là. Mais non, il dit, je veux que vous viviez dans ce monde-là. L'Église, des fois, fait le contraire. Elle se retire des débauchés de ce monde, puis elle laisse les débauchés à l'intérieur. Ils sont là de l'Église. Elle fait absolument le contraire. Dieu dit, vivez avec les gens du dehors, même si c'est des débauchés, même si c'est des cupides, même si c'est des prostituées, même si c'est des voleurs, vivez avec ces gens-là. Tenez-vous avec ces gens-là. Parce que sans nous, ils ne pourront jamais être sauvés. Hein? Ça prend de la lumière pour que tu sois sauvé. Et la lumière, c'est nous. On est des enfants de lumière. Il faut vivre avec ces gens-là. Paul dit, mais je vous demande de retirer du milieu de vous ceux qui sont dans l'Église et qui sont débauchés, adultères, cupides, ivrognes, en tout cas tout ce que vous voulez. Attention. Qui sont orgueilleux de leur péché? Qui ne se repentent pas de leur péché, qui ne confessent pas leur péché. Pas tous les péchés, pas tous les pécheurs de l'Église, parce que l'Église va être vide. Mais si vous vous vantez de votre péché, si vous vous n'êtes pas triste, parce que l'apôtre Paul emploie le terme triste, vous devriez être triste, vous vous sentez coupable du péché que vous commettez. Ça, c'est la preuve qu'on est des croyants. Ce n'est pas l'absence du péché, parce que sans ça. Si vous pensez que vous ne faites pas de péché, là, vous êtes des orgueilleux, c'est vrai. Mais vous en faites. Et vos péchés ne sont pas moins pires que ceux de votre voisin, que votre conjoint. C'est des péchés, on les appelle péchés. Ce n'est pas un pire que d'autres. Mais l'attitude du croyant, c'est qu'il combat avec le péché. S'il ne combat pas avec le péché, s'il n'est pas triste de son péché, il y a quelqu'un qui lui va dire, « Ouais, François, s'il sera vraiment repentant, là, il ne fera plus! » Il y avait un chrétien qui avait confessé son péché et qui avait demandé pardon. Puis il dit, « Si il recommence, c'est parce qu'il n'était pas vraiment repentant. » Ah ouais? Qu'est-ce que tu fais avec le 70 fois, 7 fois de Jésus? Jésus dit, « Si ton frère vient à toi 70 fois, 7 fois, ça veut dire 490 fois ça, dans la même journée. Pardonne-y. » C'est pas le nombre de fois. Le chrétien m'a toujours planté. Si ça sert ça, je serai parfait à la deuxième semaine de tes Jéhovah. Je nommerai tous les péchés de la Bible, je confesserai à tous, puis je serai correct après, je n'en ferai plus. Mais c'est pas ça, hein? On a une victoire à la fois. Une victoire à la fois. Le chrétien doit être ceux qui vont ôter. Puis dit, n'aie plus de relation avec un tel homme ou une telle femme. Coupe les ponts avec ça. Pas facile, vous savez. Surtout si c'est dans ta famille. Moi, je me souviens toujours. J'avais 6 enfants, ils étaient tous dans l'adolescence, à peu près dans ce temps-là. Et ils voulaient voir leur frère. Je passais avec ma vanette devant la maison de mon garçon. Je droppais mes enfants qui voulaient y aller. Et moi, je continuais. J'embrouillais. Les enfants rentraient, allaient voir leur frère pendant l'après-midi, 1 heure, 2 heures. On ramassait nos enfants pour porter à la maison. C'était pas facile, vous savez. Mais on croyait que c'était ça qu'on devait faire. On croyait que c'est ça que Dieu devait demander. N'ayez plus de relation avec quelqu'un qui se dit croyant et qui vit comme ça. Mon autre garçon, il faisait la même chose. On l'invitait à souper. Parce que lui, il se disait non-croyant. C'était un de ce monde, un débauché de ce monde. Mais gloire à Dieu, il a été sauvé, ça fait longtemps. J'ai dit à mon garçon, il dit, pourquoi je comprends pas? Lui, il fait la même chose que moi, puis tu y fais rien. Tu vas le voir, tu l'avais à souper. Mais lui, il dit, il n'est pas croyant. Il se déclare non-croyant. Toi, on fait ça parce que tu te dis croyant. Est-ce que tu es un non-croyant? Changes-tu d'idée? Tu me dis-tu que tu es un non-croyant? Ah oh non! Je suis un croyant, moi. Ben, c'est pas ça qu'on le fait. C'est pas ça qu'on le fait. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ôtez du milieu de vous, Paul dit, afin que l'esprit soit sauvé, afin que vous viviez sans levain, ou que ce levain ne fasse pas lever toute la pâte dans l'Église, qui n'influence pas l'Église de façon négative. Et troisièmement, il dit, Je m'oubliais. Afin que le monde ne soit pas au milieu de nous, mais que nous ne soyons au milieu du monde. Que nous soyons au milieu du monde. Que ça nous aide. Si on le fait, si on le fait, faisons le bien avec la grâce de Dieu. Sans orgueil, sans penser qu'on est meilleur que les autres. On est juste des chrétiens qui sont tristes de leur péché. On n'est pas différent. Mais si tu vois un frère ou une sœur qui est orgueilleux de son péché, qui se vante de son péché, il faut que tu agisses. Hein? C'est pas au pasteur à faire ça. C'est au pasteur aussi à faire ça. Mais Paul leur dit, vous avec moi, toute la gang, tout le monde ensemble. C'est toute la responsabilité de tout le monde, ça, cette affaire-là. N'aie pas me le dire. N'aie pas me le dire. Va voir ton frère ou ta sœur. Vas-y parler avec. Et s'il se repent, loue le Seigneur avec lui. Remercie le Seigneur. Il va t'enchaîner. S'il recommence le lendemain, attends-y. S'il se repent, attends-y, chante avec lui. Il va t'enchaîner après ça. Parce qu'il va le faire toute sa vie. Il est juste comme toi. Un pécheur qui se bat avec le péché toute sa vie. Il se lève, puis il tombe, puis il se lève, puis il tombe, puis il se lève, puis il tombe. C'est ce qu'on fait toute notre vie. Mais l'attitude du croyant, il est toujours triste face à son péché. N'essaie pas d'appeler ça une maladie. C'est pas, ben là, moi, je suis pas de ma faute, c'est la faute de ma mère. Hein. Pas de ma faute, c'est la faute de ma femme. Pas de ma faute, c'est la faute de la société. Moi, je suis pas de ma faute, je suis malade. Ben, voyons. Le chrétien va dire, ce que j'ai fait est mal. C'est mal. C'est péché. Dieu dit non à ça. Seigneur, je prie que tu puisses me donner la force de dire non demain. Et on continue. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, je crois que l'apôtre Paul devait être aussi triste de voir cela que nous le sommes. L'Église du Corinthe est une église que lui-même avait travaillé. Il avait travaillé là pendant des années. Aide-nous à le faire aussi, ici, quand c'est nécessaire, Seigneur. Donne-nous l'amour, le courage, la force qui vient de toi. Que si on voit quelqu'un qui se plaît dans le péché, qui aime le péché, qu'on doit faire de quoi? Par amour pour lui, par amour pour ton nom, par amour pour ton Église, nous devons intervenir avec respect, avec douceur, avec compassion, avec humilité, parce qu'on est comme eux. Seigneur, cette tristesse devant le péché ne vient pas de nous, ça ne vient pas de notre chair, ça vient de l'Esprit Saint qui est en nous. Ça vient de l'Esprit Saint qui est en nous. Nous te bénissons pour cet Esprit Saint. Car sans lui, on se plairait, on se vanterait de nos orgies, de nos péchés, de nos vols. On se vanterait d'avoir été capable de tricher l'impôt sans se faire pogner. On s'en vanterait. Mais l'Esprit Saint qui est en nous, c'est lui qui convainc de péché. C'est lui qui convainc de justice. C'est lui qui convainc l'enfant de Dieu que ce qu'il a fait était mal. C'est lui qui donne une tristesse qui vient de Dieu. Nous te remercions de cela, Seigneur. Et c'est à cause de cela que nous savons que nous sommes des croyants. Parce que le péché nous attriste. Le péché de la société, le péché de nos familles, le péché de nos conjoints, le péché de notre propre vie. Dirige-nous, Seigneur. Garde-nous en toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc, on va... Si vous voulez bien prendre un dernier petit chant. Non, on va arrêter là. Le temps est passé. Donc, on va arrêter là. Et on se revoit. Bonne semaine à chacun.